nature, dispute, cri, courte nuit, oubli, bouche de pâte, sonnerie, réveil, retard, névralgie, télévision, marteau-piqueur, dans le gaz, œil qui pleure, soleil noir, odeur, facteur, facture, chat qui miaule, train à prendre, mal au cœur, acidique, autoroute, 6200 francs, avenir, cigarette, beurre, gorge serrée, indécision, étroitesse, déroute, culpabilité, ricochet, cauchemar, mémoire courte, copyright, incompréhension, frustration, immobilisme, chant des impossibles, mensonge, compulsion, Xanax, déréliction, acédie, anorexie, psychiatrie. Hibou, douceur, chaleur, plume, miel, chocolat, soleil, fleur, poussière d'ange, sourire, soutenir, disquette, mamie Jeannette, mélodie, bruit parfait, envie, surprise, vibration, parler, dire, connaître, amour, confiance, foi, silence, ataraxie, je me aime, je te aime.